la vie de bohème, la vie sans façon. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, partout. Et l'on chante quand même la nuit dès le jour. Vive la bohème et l'amour. Cette mansarde divine où l'on a 2 ateliers nous sert aussi de cuisine et de chambre à coucher. Nous n'y faisons le ménage qu'une fois tous les 6 mois, le jour où l'on déménage à la cloche de bois. Chaque fois qu'une conquête vient m'accompagner, toute la nuit je m'embête seul dans l'escalier. Mais tu deviendras, j'espère, plus connu que Picasso et beaucoup plus populaire que Victor Hugo. Saint-Saint, c'est la vie de bohème, la vie sans façon. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des lettres partout, partout. Et l'on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Oh. C'est la vie de bohème. Non, on remet ça, hein, c'est trop joli. Allons-y. Allez, chef. 1, 2. C'est la vie de bohème, la vie sans façon. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, partout. Et on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Oh.